Barnabé et Marc, en Chypre, acte de Barnabé, ou voyage et martyr de Saint Barnabé, Walker 1870. Barnabé était né en Chypre. Il étudia à Jérusalem et accompagna Jésus en Chypre. Plus tard, il accompagna Paul. Il fit aussi une partie du chemin avec Thaddée lorsque celui-ci alla en Perse. Barnabé fut le premier qui prêcha l'évangile à Milan. Il fut lapidé en Chypre par les Juifs et jeté sur un bûcher, mais son corps ne fut pas consumé et ses disciples lui donnèrent la sépulture. Lorsqu'on le retrouva, il avait sur la poitrine une partie de l'évangile de Saint Matthieu. Barnabé a aussi écrit quelque chose. Dès hier soir on avait fait venir jusqu'au village des mineurs, des vêtements, des provisions, et du blé. Ce matin le père et le frère de Barnabé arrivèrent ainsi que plusieurs habitants notables de Chytru, des propriétaires de mines, et aussi quelques rabbins. Ils avaient visité Jésus en matinée, puis allèrent dans divers endroits du village où l'on avait apporté ce qui devait être donné au peuple s'était rassemblé. On distribua aux ouvriers des boisseaux de blé, de grands pains d'environ 2 pieds carrés, du miel, des fruits, des cruches pleines, des pièces d'habillement en cuir pour les mineurs, des couvertures et objets de toute espèce. Les femmes reçurent des pièces d'une étoffe épaisse, d'une aune et demie en carré, qui semblent être des tapis dont elles se servaient pour envelopper leurs pieds et garnir leurs chaussures. Pendant la distribution, Jésus et les disciples étaient présents. Ils enseignaient sur divers points et donnaient des avis. Jésus monta ensuite sur le monticule au-dessus des rochers, autour desquels tout le monde se rassembla. Il fit une instruction sur le bon samaritain, les ouvriers de la vigne, la reconnaissance, les bénédictions attachées à la pauvreté, le pain quotidien, et la prière Notre Père. Après quoi ces gens prirent un repas en plein air sous le feuillage, et Jésus, les disciples et d'autres personnes de distinction les suivirent. Jésus guérit les mineurs qui avaient des blessures aux mains, aux bras et aux jambes. Fin de la vision d'Emorique. En présence de notre Sauveur Jésus-Christ descendu, lui qui endure avec bienveillance, puissant pasteur, maître et médecin. Voici, j'ai vu le mystère admirable, mystère sacré sans tache, des chrétiens qui gardent la sainte espérance, porteurs du sceau, et depuis j'ai le zèle de le servir et jugé nécessaire de rapporter les mystères que j'ai vus et entendus. Moi Jean, j'accompagne les saints apôtres Barnabé et Paul. J'étais autrefois un serviteur de Cyril, grand prêtre de Jupiter, mais maintenant que j'ai reçu le don du Saint-Esprit, par l'intermédiaire de Barnabé, Paul et Sylla, qui furent dignes de l'appel, et me baptisèrent à Iconium. Après avoir été baptisé, j'ai vu un homme debout vêtu de vêtements blancs qui me dit « Sois bien courageux Jean. Assurément ton nom sera changé pour Marc, car par toi, la gloire de mon Père sera proclamée dans le monde entier. » Les ténèbres partiront de toi et il te sera accordé de connaître les mystères de Dieu. Après avoir vu la vision, je devins grandement terrifié. J'allais aux pieds de Barnabé et lui racontais les mystères que j'avais vus et entendus de cet homme. Paul n'était pas là quand je révélais les mystères à Barnabé, qui me dit « Ne dis à personne ce miracle que tu as vu. » À moi aussi, cette nuit le Seigneur debout m'a dit « Sois bien courageux. Puisque tu as donné ta vie pour mon nom, jusqu'à mourir et être banni de ta nation. Ainsi tu seras feu parfait. Quant au servant qui est avec toi, prends-le avec toi, car il a aussi certains mystères. Mon enfant, garde pour toi ces choses que tu as vues et entendues. Le temps viendra pour toi de les révéler. Et moi, après avoir été instruit par lui de ces choses, nous sommes restés plusieurs jours à Iconium, car il y avait là un homme pieux et saint qui nous recevait, dont la maison avait été sanctifiée par Paul. De là nous sommes allés à Seleucia et après y être restés 3 jours, nous avons fait voile jusqu'à Chypre. Je faisais le service pour eux alors que nous avons fait tout le tour de Chypre. En partant de Chypre par bateau, nous sommes descendus à Perga de Pamphylia. C'est là où je suis resté presque 2 mois, souhaitant faire voile dans les régions de l'Ouest. Mais le Saint-Esprit ne le permit pas. Je suis donc revenu chercher les apôtres et quand j'appris qu'ils étaient à Antioche, je suis parti vers eux. À Antioche je trouvais Paul alité à cause de l'effort du voyage. Il fut extrêmement affligeant me voyant parce que je m'étais attardé en Pamphylia. Barnabé vint et l'encouragea. Il rompit le pain mais Paul en prit peu. Ils prêchèrent la parole du Seigneur et éclairèrent de nombreux Grecs et Juifs. Je ne m'occupais que d'eux mais j'avais peur de Paul, à la fois peur de venir près de lui. Il était furieux contre moi parce qu'il me reprochait d'avoir passé beaucoup de temps Pamphylia. Je me suis mis à genoux par repentance envers Paul, mais il ne put le supporter. Même après être resté 3 Shabbats sur mes genoux en prière et supplication, cela n'a pas prévalu sur lui pour moi-même, mais son plus grand grief contre moi était que je conservais plusieurs parchemins en Pamphylia. Quand arriva qu'ils eurent fini d'enseigner à Antioche, le premier jour de la semaine ils se mirent d'accord pour aller dans les pays d'Orient, puis à Chypre, et revoir les églises où ils avaient enseigné la parole de Dieu. Barnabé pria Paul d'aller d'abord à Chypre revoir les siens dans son village, et Lucius le pria de revoir sa ville Cyrène. Paul eut une vision durant son sommeil qu'il devait partir pour Jérusalem, car les frères l'attendaient là. Barnabé insista d'aller à Chypre. Ceux qui étaient avec nous me pressaient de les accompagner, car il y avait sur moi le vœu de les suivre jusqu'au bout. J'étais leur servant depuis le début et je les avais servis dans tout Chypre jusqu'à leur venue à Perga de Pamphylia où je suis resté plusieurs jours. Mais Paul dit, « C'est impossible qu'ils viennent avec nous. Si tu prends avec toi ce Jean surnommé Marc, prends un autre chemin, car il ne vient pas avec nous. » La grâce de Dieu ne délaisse pas celui qui a servi l'Évangile et a voyagé avec nous, dit Barnabé. Si cela te convient, frère Paul, je le prends avec moi. Toi, va par la grâce de Christ, nous par le pouvoir de l'Esprit. Alors ils prièrent Dieu à genoux. Paul gémit ouvertement et pleura, Barnabé pareillement, et ils se dirent l'un l'autre. Il aurait été bien pour nous, à la fin comme du début, de travailler en commun parmi les hommes. Mais puisqu'il te semble bien, frère Paul, prie pour moi que mon labeur soit parfaitement recommandable, car tu sais aussi combien je t'ai servi pour la grâce du Christ qui t'a été accordée. Je vais à Chypre et me dépêche d'être fait parfait, car je sais que je ne verrai plus ton visage, frère Paul. Cette nuit aussi, dit Paul, le Seigneur debout près de moi a dit. Ne force pas Barnabé à ne pas aller à Chypre, car il est prévu pour lui d'éclairer beaucoup. Toi aussi, par la grâce qui t'a été accordée, va à Jérusalem pour vénérer dans le lieu saint. Là il te sera montré où ton martyre a été préparé. Nous nous sommes salués l'un l'autre et Barnabé m'a pris avec lui. Étant descendu à l'Odysseia, nous avons cherché à traverser pour Chypre et avons trouvé un bateau allant à Chypre qui nous embarqua. Nous faisions voile quand le vent se fit contraire, alors nous sommes arrivés à Corasium. Ayant mis pied sur le rivage, il y avait une fontaine où nous nous sommes reposés, sans se montrer, que personne ne sache que Barnabé et Paul étaient séparés. Nous avons fait voile et sommes partis de Corasium vers les régions d'Isoria, et de là une certaine île nommée Pityusa. Une tempête vint sur nous et nous sommes restés 3 jours chez un homme pieux nommé Euphémus qui nous reçut, et Barnabé lui enseigna beaucoup de choses sur la foi, ainsi que toute sa maison. De là, nous avons vogué après Aconossié jusqu'à la ville d'Anomurium. En allant, nous avons rencontré de Grecs venus nous demander d'où et qui nous étions. Barnabé leur dit, « Si vous voulez savoir d'où et qui nous sommes, jetez les vêtements que vous portez et je mettrai sur vous un vêtement qui n'a jamais de tache, ni aucune impureté, mais splendeur seulement. » Surpris à la parole, ils nous demandèrent, « Quel est ce vêtement que tu vas nous donner ?» Si vous vous soumettez à notre Seigneur Jésus-Christ en avouant vos péchés, vous recevrez pour toujours ce vêtement incorruptible, leur dit Barnabé. Piqués au cœur par le Saint-Esprit, ils tombèrent à ses pieds et l'implorèrent en disant « Nous te supplions frère de nous donner ce vêtement, car nous croyons au vrai Dieu vivant que tu annonces. » Il les amena à la fontaine et les baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils se virent alors revêtus du pouvoir d'une robe sainte. Et Barnabé mit une robe prise de moi sur l'un, et sur l'autre il mit sa propre robe. Ils lui apportèrent de l'argent que Barnabé distribua aussitôt aux pauvres et les marins aussi purent bénéficier de plusieurs choses d'eux. En descendant le rivage, Barnabé leur parla de la parole de Dieu et les bénit. Nous les avons salués avant de monter à bord du navire. L'un de nommé Stéphanus souhaita nous accompagner, mais Barnabé ne le permit pas. Nous avons fait la traversée jusqu'à Chypre de nuit et nous sommes arrivés à un endroit nommé Chromiacita, où nous avons retrouvé Timon et Ariston, des serviteurs du temple, qui nous reçurent dans la maison. Timon était affecté d'une forte fièvre. Nous lui avons imposé nos mains et sa fièvre s'est aussitôt retirée en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Barnabé avait reçu des documents de Matthieu. Il y avait un livre des paroles de Dieu, et un registre des miracles et des enseignements. Dans tout lieu où nous sommes allés, quand Barnabé le mettait sur les souffrants, leur maladie guérissait aussitôt. S'étant rendu à la Pitue, comme ils célébraient une fête pour les idoles dans le théâtre, ils ne nous permirent pas d'entrer dans la ville. Nous nous sommes reposés un peu à la porte, Timon était venu avec nous après la guérison de son mal. Ayant quitté la Pitue, nous avons voyagé dans les montagnes jusqu'à la ville de Lampadistu, où Timon était né. Ayant trouvé la Héraclide, nous avons été reçus par lui. Il était venu de la ville de Tamasus pour visiter sa parenté. Barnabé le fixa des yeux et reconnut l'avoir déjà rencontré à Sicyone avec Paul. Le Saint-Esprit lui avait été accordé au baptême et son nom fut changé pour Héraclide. Il fut ordonné prêtre de Chypre et confirmé sur l'église de Tamasus. Nous l'avons quitté dans la maison de ses frères qui demeuraient là. Après avoir traversé la montagne Chionode, arrivé au vieux Paphos, nous avons trouvé Redon, un serviteur du temple, qui avait en lui-même la foi et nous a accompagnés. Nous avons trouvé un juif venu de Paphos nommé Bar-Jésus qui reconnut que Barnabé avait été avec Paul. Il nous empêcha d'entrer dans Paphos, aussi nous sommes partis vers Curium. Le long de la route, près de la ville, nous avons trouvé une course abominable qu'une foule de femmes et d'hommes faisait en courant nu. L'endroit était très fautif et sournois. Quand Barnabé réprimanda ses agissements, la partie ouest s'effondra, il y eut beaucoup de blessés et beaucoup moururent. Ceux qui restaient s'enfuirent au temple d'Apollon tenu pour sacré. Nous sommes allés vers le temple, mais un grand nombre de juifs s'y trouvaient et nous empêchèrent d'entrer. Nous avons donc passé la soirée sous un arbre proche de la ville et avons dormi là. Et le jour d'après, nous sommes partis au village où demeure Aristoclianus qui avait été purifié de la lèpre à Antioche. Paul et Barnabé l'avaient consacré prêtre et l'envoyèrent dans son village de Chypre parce qu'il y avait de nombreux Grecs. Il nous a reçus dans une grotte de la montagne et nous y sommes restés un jour. De là nous sommes allés à Matthu. Il y avait une grande multitude de Grecs dans le temple de la montagne où des femmes et des hommes déversaient leurs offrandes. Bar-Jésus persuada la nation des Juifs de nous empêcher d'entrer dans la ville. Une veuve âgée de 80 ans qui habitait en dehors de la ville, et ne vénérait pas les idoles, vint vers nous et nous reçut dans sa maison. Après une heure, nous sommes sortis pour secouer la poussière de nos pieds contre ce temple où les offrandes de l'abominable idolâtrie continuaient. À partir de là, nous sommes passés par des lieux déserts, accompagnés de Timon. Arrivés à Sicyone Curium, il y avait là aussi de grandes clameurs dans leur hippodrome. Nous sommes sortis de la ville après avoir tous secoué la poussière de nos pieds, car personne ne nous reçut. Nous nous sommes reposés seulement une heure à la porte, près de l'aqueduc. Nous avons ensuite fait voile sur un bateau venant de Sicyone et avons vogué jusqu'à Salamis, mettant pied dans les soi-disant îles. Il y avait un endroit avec de nombreuses idoles qui étaient célébrées et à qui on faisait des offrandes. Nous avons trouvé Héraclide et l'avons instruit d'annoncer l'évangile de Dieu et fonder des églises avec des hommes pour le service. Nous sommes alors partis de Salamis pour se rendre à la synagogue proche d'un endroit nommé Biblia. Quand nous y sommes entrés, Barnabé déroula les rouleaux d'évangile qu'il avait reçus de Matthieu, son compagnon d'œuvre, et il se mit à enseigner les Juifs. Bar-Jésus arriva deux jours après, alors que plusieurs Juifs avaient été instruits. Il devint enragé et rassembla une multitude de Juifs qui se saisirent de Barnabé pour le livrer à Hippasi le gouverneur de Salamine. Ils l'avaient lié pour l'amener au gouverneur, jusqu'au moment où ils apprirent qu'un pieux jébusien nommé Eusébius, parent de Néron, était arrivé à Chypre. Les Juifs ont pris Barnabé de nuit et lui attachèrent une corde au cou en le traînant de la synagogue jusqu'à l'hippodrome. Une fois sorti de la ville, ils ont fait cercle autour de lui et l'ont brûlé. De nuit, je trouvai l'occasion de le prendre à l'aide de Timon et Rodon, et l'avons déposé dans une grotte, là où autrefois la nation des Jébusiens habitait. Nous avons mis les documents que Barnabé avait eus de Matthieu dans cet endroit secret, à la quatrième heure de la nuit, dans la deuxième semaine. Après avoir beaucoup cherché, les Juifs n'ont pas trouvé cet endroit où nous l'avons caché. Ils nous ont poursuivis jusqu'au village des Ledorians. Nous nous sommes réfugiés dans une grotte trouvée près du village et leur avons échappé. Nous sommes restés cachés pendant 3 jours. Les Juifs partis, nous avons quitté l'endroit de nuit pour aller jusqu'au village de Lynn, amenant avec nous Ariston et Rodon. Arrivés sur le rivage, nous avons trouvé un bateau égyptien dans lequel faire voile jusqu'à Alexandrie où je suis resté, enseignant la parole du Seigneur aux frères qui venaient. Je les éclairai en prêchant ce que j'ai appris des apôtres du Christ, comment ils m'ont baptisé au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, changeant mon nom pour Marc par l'eau du baptême. Par quoi je souhaite aussi amener par sa grâce de nombreuses personnes pour la glorification de Dieu, car à lui appartiennent honneur et gloire éternelle. Amen. Par Dieu, les voyages et le martyre de l'apôtre Barnabé ont été accomplis.